L'ambassade coréenne en Russie a abrité le 16 un banquet pour la réussite du 7e congrès du Parti du travail de Corée. Y ont été conviés le premier vice-président de la commission du problème international de la Douma d'État, secrétaire du comité central du Parti communiste de la Fédération de Russie, la présidente du Parti pour la paix et l'unité de Russie, des personnalités de partis politiques, du Parlement, du ministère des Affaires étrangères, de l'Association d'amitié, des organisations d'études des études jetées et de la presse écrite et parlée. Y ont figuré aussi le chargé d'affaires par intérim coréen et ses collaborateurs à Moscou. Les participants ont tout d'abord fleuri et rendu hommage devant le tableau de peinture du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il et vu les photos sur les exploits du président, du général et du maréchal Kim Jong-un. Par ailleurs, le consulat général coréen à Vladivostok aussi a offert le 13 un banquet.